Elle-même, en dirigeant l'arrangement de son salon, elle avait mis en évidence ces délicieuses babioles que produit Paris et que nulle autre ville ne pourrait produire, qui révèlent la femme et l'annoncent pour ainsi dire. Des souvenirs reliés en émail et brodés de perles, des coupes pleines de bagues charmantes, des chefs-d'œuvre de Sèvres ou de Saxe, montés avec un goût exquis par Florent et Chanor. Enfin, des statuettes et des albums, tous ces colifichets qui valent des sommes folles et que commande au fabricant la passion dans son premier délire ou pour son dernier accommodement. Valérie se trouvait d'ailleurs sous le coup de l'ivresse que cause le succès. Elle avait promis à Crevel d'être sa femme si Marneffe mourait. Or, l'amoureux Crevel avait fait opérer au nom de Valérie Fortin le transfert de 10 000 francs de rente, somme de ses gains dans les affaires de chemin de fer depuis 3 ans, tout ce que lui avait apporté ce capital de 100 000 écus offert à la baronne Hulot. Ainsi Valérie possédait 32 000 francs de rente. Crevel venait de lâcher une promesse bien autrement importante que le don de ses profits. Dans le paroxysme de passion où sa duchesse l'avait plongé de 2 heures à 4, il donnait ce surnom à Madame de Marneffe pour compléter ses illusions, car Valérie s'était surpassée rue du Dauphin. Il crut devoir encourager la fidélité promise en offrant la perspective d'un joli petit hôtel qu'un imprudent entrepreneur s'était bâti rue Barbette et qu'on allait vendre. Valérie se voyait dans cette charmante maison entre cour et jardin, avec voiture. Quelle est la vie honnête qui peut donner tout cela en si peu de temps et si facilement, avait-elle dit à Lisbeth en achevant sa toilette.